Bonjour à tous et bonjour à toutes. Vous êtes sur Radio Campus Lille. Vous écoutez la 288e de Goodbye Kevin. Bonjour Pierrot. Bonjour Léna, comment ça va? Ça va bien, écoute. Petite forme. Petite forme. Bah oui, il y a la pluie. Eh oui, et puis la grippe est passée par là, merci à elle. Merci. On la félicite pas, tout cas, on a prévu plein de bons morceaux encore sur cette émission. Commençons par toi, ta petite sélecta. Exactement. Donc pour ma part, on va commencer par un EP qui a été produit par Bad Bad Not Good. Oh. Ensuite, on écoutera de l'indie pop venu d'Australie pour ensuite aller écouter de l'ambiance thérapeutique. Puis direction le passé, ou plutôt l'histoire de la musique et ses mystères. Et on finira par un jeune crooner déjà désabusé. Pour ma part, moi je vais ouvrir avec de l'indie rock new-yorkais. Ensuite, on aura un genre d'électro-folk canadienne très sympa. Ça, c'est un de mes gros coups de cœur de là. Voilà, du moment. Ensuite, on aura de l'EBM australien, de l'expérimental néerlandais et peut-être du frafra gospel ghanéen, si on a le temps. Mais j'ai l'impression que le programme est déjà bien chargé. Ouais, on verra si on passera tout. Sinon, ça sera sur la prochaine émission. On va débuter cette émission par un EP, et c'est un EP entre Baby Rose, chanteuse américaine de 30 ans, et Bad Bad Not Good, qui a la production de son EP. Cet EP il s'appelle Slow Burn, il est sorti sur Secretly Canadian. Et les sources d'inspiration pour ce disque sont multiples pour Baby Rose. C'est essentiellement lié à ses voyages et à ses retours sur ses terres natales. Nombreux déplacements, puisqu'elle est quand même assez connue. Elle a sorti plusieurs albums. Et cet EP, il évoque à la fois le bruit et le chaos qu'on retrouve à Washington et sa campagne tranquille de la Caroline. Et justement, cela tombe bien puisqu'on va écouter le morceau Caroline. Cela tombe bien, mon bon monsieur. Qui évoque pas un nom féminin, quoi, qui évoque pas une personne féminine. Qui évoque son nom. Mais une état. Région. Elle aurait pu parler de la Picardie si elle était picarde. Baby Rose avec les Bad Bad Not Goods avec le morceau Caroline. Hard on you, you didn't mind. Baby Rose avec le morceau Caroline. On enchaîne avec quelque chose de moins doux, moins peut-être mélodieux, moins soul, avec le groupe Wire, qui est un groupe de rock alternatif new-yorkais. C'est une formation assez jeune, je crois que ça date de 2023. J'ai pas grand-chose à dire de plus, à part qu'ils ont sorti deux EP en 2024, mais j'ai pas trouvé d'infos sur... Comment tu dis qu'il s'appelle ? Wire ? Wire. Ah, Wire, j'ai cru, Wire, ok. Wire ? O-Y-E-E-U-R ? Non, comme un groupe punk anglais, là. Wire. Wire, peut-être. W-I-R-E. Ah oui, Wire. Ouais. Ouais, non. Non, non, non, là, c'est Wire. Et ouais, ils ont signé nulle part pour le moment, donc j'ai pas trop, trop... Mais c'est pas ça, enfin... C'est pas parce qu'ils auraient signé chez quelqu'un que j'aurais peut-être eu plus d'infos, mais toujours est-il que généralement, quand des artistes sont signés chez des labels, quand tu vas sur le site du label, ils t'expliquent un peu, il y a une bio, il y a un truc comme ça. Une petite présentation, ouais. Et là, il y a rien. Donc, c'est pas grave, ça va venir. Juste, il y a deux EP sortis en 2024, l'un en début d'année, l'autre plutôt à la fin. Donc, on va écouter un extrait de chaque, comme ça, pas de jaloux. Donc, le premier extrait s'appelle Ugly, il est sorti sur l'EP Ugly, le premier. Et le deuxième s'appelle Spirit, qui est sorti sur leur deuxième EP, qui s'appelle Something Become You. Donc, c'est Voyeur, tout de suite, et c'est assez chouette. Look at c'était Voyeur avec les morceaux Ugly et Spirit. Je crois qu'ils sont... Bon, on sait au moins qu'ils sont deux, parce qu'il y a une chanteuse et un chanteur. Mais je crois qu'ils sont quatre en tout, voilà. Un peu plus sombre, hein, le deuxième morceau. Oui, bah de toute façon, en fait, quand t'écoutes, c'est pas très très joyeux. Même le premier, hein, il était pas trop... Bah, le premier, il y avait un côté Tramaos, je trouvais... Un petit peu plus dynamique, peut-être. Dans la voix et oui. Dans l'énergie. On va partir dans un autre style, on va partir en Australie avec Oyster Cuts, qui est le nom du premier album du groupe australien Quivers, je sais pas comment on dit, Quivers. Ouais. Ah, tu sais ce que ça veut dire ? Quiver, je crois que c'est trembler ou un truc comme ça. Ok. Je suis pas certaine, je vais vérifier. Donc ils ont sorti au cours de l'année dernière leur premier album, c'était des pépites à venir, quoi. En tout cas, c'était des jeunes artistes en devenir. Qui ont sorti sur l'album sur Merge Records et ils nous proposent un album plutôt indie pop, donc c'est pour ça que je vous dis que c'est un peu différent de ce qu'on vient d'écouter, avec beaucoup d'harmonie synthétique pop, et à travers leur création ils utilisent des boucles de bandes qui mettent ainsi l'accent sur la répétition tout en déployant des riffs plutôt façonnés. On va écouter le morceau Never Be Lonely, qui est mon coup de cœur. J'avoue que je pensais que tout l'album était sur la même veine que ce morceau, qui est très efficace. C'est pas le cas, donc petite déception, mais bon, on se console avec ce très bon morceau des Quivers. Des Quivers, et ça veut dire trembler, frémir, frissonner, voilà. Très bien, Never Be Lonely de Quivers. Quivers. Quiver, tout simplement. All I ever wanted was transcendence. C'était les Australiens de Keevers avec le morceau Never Be Lonely. C'était très chouette, j'ai beaucoup aimé. Voilà, très pop mais très chouette. Ouais, c'est très très pop. Mais ça va, c'est bien maîtrisé, c'est bien réussi. Hein. Oui, après c'est les autres morceaux qui n'ont pas le même côté tubesque et ou la même efficacité. Peut-être à réécouter, mais la première et deuxième écoute, j'ai pas eu de coup de cœur. Bah, j'ai réessayé. C'est tout. Hein. C'est tout, hein. Eh bien, en parlant de coup de cœur, là, on va écouter, je crois que c'est un de mes plus gros crushs de ce début d'année, musicalement parlant. On écoute BB Club. Je pense que je vous en ai déjà parlé il y a 2 ans pour la sortie de leur premier album, mais j'ai un doute. Ils sont montréalais, ils sont en couple, et BB Club, c'est le nom qu'ils ont donné à la discothèque de leur salon. Ça me fait beaucoup rire. Je suis retombée sur eux, du coup, il n'y a pas longtemps au fil de mes écoutes et je me suis rendu compte qu'ils avaient sorti un deuxième album, mais qui date de mai 2024. J'étais complètement passée à côté. Je me suis dit, tiens, ça me dit quelque chose ce nom-là. Puis je clique sur le troisième morceau de l'album, ce fameux troisième morceau qui est l'astuce du troisième morceau, généralement sur un album, soit un tube, soit c'est... Enfin, ça te... Ah, pour moi, ouais, c'est toujours le meilleur morceau. 3, bah, 6, 9, quoi. Bah, bim, grosse claque dans la gueule. Je m'en suis pas remise, franchement. Je sais pas trop avec qui les comparer. Tu sens la patte de la scène montréalaise, bien sûr. Mais franchement, c'est un groupe où tu peux te dire, bah tiens, ça, c'est pas un truc que j'entends très souvent. Bref, on va écouter bien évidemment ce morceau-là qui est issu du coup de ce deuxième album qui s'appelle Feu de Garde, qui est sorti en mai sur le label Secret City Records en mai 2024. Et le morceau s'appelle Slow Slow. Et franchement, je vous conseille d'aller écouter cet album qui est magnifique, mais ce morceau, c'est le meilleur. Voilà, BB Club. C'est un hommage à la ville de Sochaux ? Peut-être. Slow Slow. Je couvre. Est-ce que c'était typo super chouette ce petit morceau ? Tout à fait, c'est très très bien. C'est super, hein. Donc c'était Chlo Chlo. J'ai jamais réussi à le dire. Bah si, je le dis, mais ça fait très bizarre. Morceau de BB Club, extrait de leur deuxième album Feu de Garde. Écoutez, c'est trop bien. Et ça m'a fait penser un peu à Lomode. Oui, complètement. Mais je pense que c'est la voix de la nana. Et du coup, Lomode, et du coup, un peu Mélodie Echo Chamber, peut-être, mais non. Bah, de toute façon, surtout mais... à Lomode avec oui. Bah, la voix, mais aussi l'ambiance un peu feutrée, synthétique, je sais pas. C'est un peu, oui, mais après, à Lomode, c'est dans les mélodies, c'est un petit peu plus jazz, je trouve. Ouais, après, je connais moins. Voilà. On va enchaîner, on va rester dans du calme. Attention, alerte, alerte, alerte, alerte. Attention, coup de cœur ambiante. Alors certes, avec un peu de retard, puisque l'album est sorti en 2022, bon, mais l'artiste qui s'appelle Sophie Birch, que je viens de découvrir, eh ben, une artiste qui publie régulièrement des albums. Donc en fait, c'est comme ça que je l'ai découvert, ou en enchaînant plusieurs de ses albums. Et donc Sophie Birch, qui est elle, bah, c'est une compositrice électronique et une artiste sonore vivant à Copenhague. Donc elle est danoise et elle est également DJ résidente à la radio NTS. Birch ou Birch ? Birch. Ok. Je sais pas c'est quoi. Birch, ah non, pardon. E non, non, non. Avec un U. Mais c'est parce que je pensais à Molly Birch. Ah non. Voilà. Ouais, non. Birch. Ok. Et donc l'album qui m'a plu, c'est Holotropica, qui est sorti sur Intercourse, qui est un jeune label de Copenhague. Et ben, il nous propose un album ambiante assez doux et même thérapeutique, comme je l'avais dit en intro. Il sera pour vous, j'en suis sûr, une source de bien-être. Et donc, comme ça va être une source de bien-être, je vous propose pas un, mais deux morceaux. Super. On va écouter Humidity et Ubiquitous de Sophie Birch. On est un peu partout au Danemark dans le bien-être, dans la nature. Thank you. Et voilà que se termine ce voyage de Nausicaa. Parfait, parfait. Tu as d'autres choses à rajouter ? Non, non, c'est tout. C'était mon dernier mot, Jean-Pierre. Ok, très bien. Eh bien, on va écouter Puriante. Puriante, qui est le pseudo de Kate Durman. Et Kate Durman, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle est productrice et chanteuse. Elle est basée à Melbourne, en Australie. Et elle fait de la dance pop expérimentale à tendance EBM, si tu vois ce que je veux dire. Elle fait ça depuis la moitié des années 2010, je dirais. Donc, on prenait par là... 2014, 2015, 2016, c'est pas très précis. Elle fait aussi partie d'un autre chouette projet qui s'appelle Acopia, où là on est plus sur de l'expérimental dub, et je vous en parlerai peut-être prochainement dans l'émission, mais pour l'instant j'ai pas encore bien poncé le truc, donc voilà, affaire à suivre. Moi j'ai choisi de vous présenter deux morceaux. L'un sorti en 2017, où on est plutôt à ses débuts, et elle sonnait beaucoup plus synth-pop avant. Et l'autre, il est sorti en 2024. Là, on est plutôt sur des arrangements un peu plus expérimentaux et un peu moins attendus, peut-être. Donc, le premier morceau était sorti en 2017 sur son EP X, et le deuxième sur son dernier EP Moi, qui est sorti donc, fin 2024. Donc, le premier morceau s'appelle Sagittarius, et le deuxième s'appelle Moi, comme cet EP. Et c'est Puriante qu'on écoute. Voilà, avec Sagittarius et le morceau Moi, moi. Moi. Moi. C'est pour te faire un oui, petit c'est smack pour ça, quoi. C'est pour ça bah, je pense que c'est un peu le truc, nous c'est smack, l'onomatopée en français, et je crois que moi, comme ça, c'est en anglais. Ok. On va partir sur un sul de ferrant, je ne sais pas, il peut y avoir des similitudes quand même. Le label Sacré Bones Records, très bon label new-yorkais, consacre une compilation à Q Lazarus, qui réunit ses démos, cette compile est sortie le 21 février. Pourquoi je commence comme ça, ma présentation ? Parce que c'est plus simple. Parce que c'est de savoir qui est Q Lazarus. Moi, je ne savais pas qui c'était. C'est un peu une comète, une étoile filante dans l'histoire de la musique, qui a été connue pour un de ses tubes. Son hit Goodbye Horses, et ce hit a quand été connu en 91 grâce au film Le Silence des Agneaux. Ah ok, d'accord, ok. Film que j'ai... On a le contexte. Film que j'ai pas vu. Du coup, moi j'ai pas la référence à cette musique, ça se trouve plein de gens la connaissent, ou ne connaissent pas son nom, de l'artiste, mais connaissent le morceau, juste de tête. Et c'est intéressant, comme toi tu as vu le film, tu pourras me dire après si ça te parle tout de suite ou pas le morceau. En tout cas, il y a beaucoup de mystères qui règnent autour de cet artiste, puisque bah voilà, le côté étoile filante est à l'arrivée et après on n'a plus trop d'infos. Il y a un documentaire qui est sorti sur elle, il y a cette compile qui reprend toutes ses démos, puisqu'il y avait juste ce hit qui était disponible. Et donc nous on va écouter ce hit, mais en version New Wave. La compilation s'appelle Goodbye Horses, The Many Lives of Q Lazarus. Voilà. Ok. J'ai eu le temps d'écouter 3-4 morceaux de cette compile et c'est très très chouette. Mais alors du coup, version wave, c'est de lui ? C'est parce qu'il a sorti plusieurs versions ou c'est... Alors Q Lazarus, c'est une chanteuse, c'est une femme. Ah, de elle, ok, d'accord. Qui est née dans les années 60 et qui est décédée en 2022. Ok, donc là, la version wave, c'est... Enfin, New Wave ? Ouais, New Wave. Bon, c'est un remix, mais ça ressemble grandement à ce qu'elle faisait habituellement. Mais c'est pas elle qui avait fait cette version-là. Non. Ok, d'accord. Non, parce qu'elle est décédée en 2022. Oui, non, mais bah, comme c'est une compile qui reprend ses démos... Ça pouvait être plusieurs... Non, je pense juste Sacré Bones Records, ils ont voulu mettre leurs pattes dessus. Ok, d'accord. Chanteuse née dans les années 60, donc 91, elle a 30 ans. Ouais. Mais au début, je croyais que c'était une ancienne chanteuse soul, tellement il y avait de hits, quoi, d'écoute sur ce morceau-là. Mais non, c'est vraiment plus années 80-90, sa période à elle. D'accord. Donc... Je dirais même pas post-disco, ou c'est le disco ? Si, c'est disco, ça. Disco, new wave. Bah, disco, c'est plus 80, hein, fin des années 70-80, et c'est donc ça. Du coup, c'est peut-être plus la fin du disco. Elle est peut-être au moment de la crise, je sais pas, hein, du vinyle, et on arrive au CD compact disque. Bah ouais, peut-être. Donc voilà, en tout cas, on va écouter Q Lazarus, qui est une femme, avec le morceau Goodbye Horses, remodulé, remodelé, par Sacré Bones Records pour qu'il soit New Wave. Q Lazarus. Lazarus. Oui, bah moi j'ai pas retrouvé la scène parce que je pense que je l'ai pas vue assez de fois et que ça m'avait pas forcément marqué. Mais c'est vrai qu'en regardant sur internet, tu m'as dit la séquence et oui, bah là je vois. Ah oui, bah la scène du film en question, oui, du Silence des Agneaux, c'est au moment où il se maquille et il danse nu devant la glace. Il y a cette musique en fond derrière. C'est ça. Voilà, qui résonne avec les notes synthétiques. Très bien. On va continuer sur une vibes expérimentale dans la lignée de ce que je vous ai passé avant, avec Nicolini, qui est un producteur et multi-instrumentaliste néerlandais. Alors lui, il aime bien bidouiller sur ses synthés, ses machines et ses autres instruments pour produire une musique un peu à l'image d'Amsterdam, hétéroclite et pleine de surprises, j'ai envie de te dire. À la base, c'était un projet live qui n'était pas forcément destiné à être enregistré, et puis finalement, il s'est dit « why not ?» Et je crois qu'on est sur 2 EP et 2 albums depuis 2021. Donc tu vois, le gars est bien mordu. Nous, on va écouter un extrait de son deuxième album qui s'appelle Sopratotto, qui est sorti en 2023 sur le label. Quel label ? Sur le label South of North. Et le morceau est éponyme. Il s'appelle également Sopratotto. Et vous comprendrez pourquoi je le prononce comme ça. Mais de toute façon, c'est la prononciation. Mais c'est que ça va vous rendre un petit peu zinzin. Donc Nicolini, tout de suite. Thank you. Et comme il nous reste un petit peu de temps, mais pas suffisamment pour vous faire découvrir un autre artiste, on va vous passer un deuxième morceau donc, qui s'appelle Tie It Up, qui est issu de son premier album Penis Palace. Désolé, c'est pas comme ça que ça s'écrit. Et ça, c'était sorti en 2021. On vous souhaite un bon week-end. On vous dit à la semaine prochaine. Et on vous dit à la semaine prochaine. Ouais. Ok, allez, Tie It Up de Nicolini et on se quitte là-dessus. Ciao. Yeah. Yeah. I'm a bad boy.